know you can't fool me. You can't try to rob me. Hear me now. Look at that. Hear me now. Yo, banoka nenae na uzingi totakami andanje bala sesa mulemo yekula bamba ndongo ona miyo majo masese moye mabamba ono nango sesa mulemo yekula bamba ndongo Oh, Bala. Chaque jour, c'est le même refrain. chérie. Ngea mara ne bie, ne bie, be kwadi ba mara. Paris, capitale de la francophonie. We'll be right back.

ba medena na iko la porte viena pusino le nena na iko popon putan tan de me prio pre de visage dans des hôpitaux dans des ministères dans des commissariats dans tous les services publics règne la corruption règne le tribalisme règne le mépris règne la négligence. Chez nous tout le monde est patron, qui est le planton. Chacun se dit grand, qui est donc petit. Chacun arrive à son aide et fait ce qu'il veut. Menace à son tour, travaille à sa guise, décide comme il veut. Quel remue ménage. Partout, oh, je me fais trop de soucis. À partout, partout, nous avons beaucoup de problèmes. À bas le tribalisme, à bas la corruption et l'injustice sociale. Kaka muna kona dingio ya choni, ezi ezi ezaya, ezi ezi ezaya. Bye. bonde Kouzi loupe tomba Mweni mandolo Ba baby e pot Kato malam bonde Kouzi loupe tomba Mweni mandolo la douce antique pour le pain quotidien. Les temps sont devenus ginger, il faut pas l'oublier. L'Espagne est la douce antique pour le pain quotidien. La Boticarero, Red Macho. La Boticarero, Red Macho. La Boticarero, la Boutique Hey, Hey, les temps sont devenus jidaï. Il faut le payer, pour ma Kanda. We'll be right back.

I'm gonna move.

sende wande vedete Opepe mi roi de jeune fille de mante pop en anje Obinde na o madom se bolo eh eh Bede suburi temino mo une kakoka Bongo me bonda me moka muloko ma uturai Bemba mwe mo une kadi bongo lamtole La mama sose a mon malaki kokambas Oso bebe mon musamba kampusa masombo Bebe mon mwiti tike ya pami mama pue Alo apon munasu mama Mope atengene munasu we Kanele na wedi, wano akia wote. Halima,

quoi me panacher de l'eau. Ami, ami, quoi me mélanger l'amour. Ami, mon ami, quoi me panacher de l'eau. Ami, ami, quoi me mélanger l'amour. Ami, mon ami, quoi me panacher de l'eau. Ami, ami, quoi me mélanger l'amour. Ami, mon ami, quoi me panacher de l'eau. Anangi mulema, na bola monya mi gelo, sina gelo, a ben sponsoré. Bananangi mulema, na bola monya mi gelo, sina gelo, a ben sponsoré. Thank you. nanga penda bo umai magyambe bolungi asima nanga penda bo tomoni mo masula modi akusite moye na imene pe tomoni mo masula modi akusite moye na imene pe bomere bomere bomere Écoutez-moi ça. Mesir Oban à Genève. Angelina Apesio Melesi. Bona Loyembo Oyo. Mention spéciale à Lazare et Dongui. Les 12 chantés d'éléphants d'Afrique sont en marche. Kinshasa, Brazzaville, Bemanda, Libreville, Mandalala. Kinshasa, Banawaga, Brazzaville, Bemanda, Abidjan. Hey!

mon tibé à maman, oh, à bande baye. Et belle lotin Olivier, Belmont de Beauville, je t'écoute. Continue Bilon. Grand Bob, le banjonais, à Belsinga, Londres. Grand Mouth, Irlande. Caro, caro. La beauté. Tu m'as semé d'espoir, j'ai même perdu mon temps. Aujourd'hui tu veux m'abandonner, on est de l'angoua, bandimbe. Chuba, Sima, Kima, Koma, Koma, Sima, Sima, Sima. Bola ebola mulatako Mulatako mo mubuki pongi nyabanga e Naketi mo e numewa o mulema Tabasinde uwa kunjombe O si banga botilo bolondi wa omakatae Iseba na bongo le babo munyenge nandolo e Mulatako Ola ebola mulatako Mulatako mo mubuki pongi nyabanga e Gaketi mo e nunemwa o mulema e Habasindewa, basindewa, ujombe O si banga botilo bolondi wa omakata e Biseba na bongo ule babo mumyenge nandolo e Mulatako, boebola mulatako Mulatako mo mubuki pongi nyabanga e Gaketi mo e nunewa o mulema e Kabasindewa, basindewa o jombe O si banga botilo bolondi wa o makata e Biseba na bongo, oleba bo munyenge na dolo e Yo te me so di sa makosa, yo te me so di sa mangambe, yo te me so di sa siko, mulatako, mulatako, yo te me so di sa makosa, yo te me so di sa vikusi, yo te me so di sa siko, mulatako, mulatako. Thank you.